Aujourd'hui, le lundi 23 avril 2018, monte le volume. Monte le volume et hume la différence. C'est parti, mon coquille. Enregistré au studio des Abeilles dans la vieille capitale et diffusé sur CKRL le 89.1 à Québec, la plus vieille radio communautaire francophone au monde vous propose Errance Rénadienne, une émission baroque et désinvolte. Et voici la bête lumineuse, le farfadet du surréalisme, le clown le plus imprévisible dans le cercle médiatique actuel, Reynald Gagné! Comment ça va, vous autres? Là, je me suis mis de la pression ce soir, ce matin, en ce beau lundi. Je ne sais pas si vous vous rappelez, à une certaine époque, je faisais des laboratoires d'improvisation sur plusieurs aspects, plusieurs visions, plusieurs points de vue. Et il y en a une que j'ai peut-être fait 5 ou 6 fois, c'est une chanson improvisée. Ce soir, sous vos oreilles, devant vos yeux éterloqués. Merci. Ça coûte rien, j'espère, ces affaires-là. Là. C'est 100% gouvernement. La chanson est-elle gouvernementale? Non, elle est plus mentale que gouvernementale. OK, on l'accepte. Donc, grâce à mon ami, j'ai lancé sur Facebook, si vous êtes membre d'Errance Rénadienne, vous recevez des... pour montrer la vivacité de l'émission sur CKRL, le 89.1 à Québec. Je fais attention, là, parce qu'il ne faut pas tant les points, les virgules. Fais attention. Uppercut. Point au corps, Aïe, non, mal au dos. Aïe, oh, redresse. Couche. Tranquille. Vol. Bon. excusez-moi. On est déjà en transe, puis on n'a même pas fait la chanson. Vers où allons-nous? Nulle part. Bon, j'ai Nadjak qui est sur mon site internet d'Errance Rénadienne. Vous pouvez devenir membre, c'est gratos. Mais je vous donne mon amour, je vous donne mon inspiration et je vous donne ma folie. C'est quand même pas si pire aujourd'hui, Danny. On donne plus aujourd'hui, on donne plus, c'est fini. On est rendu en mode. On fait du troc. Du troc émotif. Par exemple, je te donne de l'amour. Toi, qu'est-ce que tu en échange, qu'est-ce que tu vas me donner? Ben, je vais te donner quelque chose en nature. Oh, OK. Si je te donne un beau bibelot de Rita Bibelot. Rita Bibelot fait de la sculpture. Tu savais pas ça, toi? T'es ignorante comme une queue de jatte. T'as déjà vu ça, une queue de jatte? Déjà là, une jatte, ça fait peur, là. Ça habite, ça, là, dans les montagnes suisses. C'est des bêtes de féminines. Donc, c'est des suissesses. Qui, sur les rochers suisses, cherche l'herbe tendre? L'herbe tendre, il y a 2 semaines, là. Ah, ouais, là, c'est-tu la semaine dernière? Ah, ouais, le cul. Non, ça vient, il y a 2 semaines. Non, c'est, alors, on s'en foutu. Ah, ouais, le cul. Et sans descendre. L'âge tendre, là, l'herbe tendre de Yves Simon. C'est une autre histoire, Yves Simon. Michel Simon, comédien. Yves Simon, chanteur. Gainsbourg avait chanté avec François Simon. Pardon. T'es en train de m'étouffer. Ouais, mes idées sont pas claires. J'ai jamais été clair sur mes idées, moi, là. J'essaie d'être de moins en moins clair. Puis grâce à mon ami Nadjak, nous allons entrer en transe avec une chanson. Et ces mots, parce que j'ai demandé 3 mots, c'est inopinément, cosmique et éperdu. Et pour amener plus d'intérêt, j'ai dit, nous allons faire cela à la sauce... Normand Lamour. Mais qui est Normand Lamour, là? C'est lui. Il voulait s'en aller. visite. Il était venu me faire une petite visite. Il tenait la poignée de porte. Il tenait la poignée de porte. Puis il lâchait pas. Il la lâchait pas. Donc, s'il la lâchait pas, peut-être que la chanson que je vous pondrai en direct, je ne lâcherai pas non plus. J'ai une boîte à rythme que j'ai placée à 33. J'ai 99 rythmes différents, mais aujourd'hui, c'est le 33 et ça donne avec la réverbération que j'ai travaillée avant la mise en onde et avant de vous les offrir, de vous l'offrir à l'oreille, ça donne ça. Oh! Le vent l'emportera. C'est pas celle-là, mais c'est pas grave. Mais tout est de rien. L'envolant Panama. Le vent l'emportera. Alors, on commence mon intro. Êtes-vous prêts? Restez assis. Je décide. Je décide de ne pas prendre la 33 parce que ça me fait trop calancher vers la chanson que je vous ai faite de Noir Désir. Donc, on prend celle-là. OK? Si je vous le jure que je prends celle-là, je ne change plus là. Est perdu, perdu dans le cosmique terrien, cosmique terrien, rien de rien. Je la cherche inopinément. Elle traverse la rue, elle traverse la rue. Je viens de la voir, je ne l'avais pas vue avant Najak, avant Najak. Inopinément, je traverse la rue. C'était bien cosmique, mon cœur était perdu. Et perdu avec Najak. Inopinément, je reviens vers elle pour lui demander: puis-je être ton amant? Ton amant? Sous la lueur cosmique, et perdu. J'ai perdu mon cœur, j'ai perdu mon cœur dans le cosmique, sans cosmétique. Elle m'a dit ben oui, et elle m'a dit bien oui, inopinément j'ai dit bien oui, j'ai dit bien oui. Je reviendrai pas avant le mois de mai, si tu t'en vas un soir, je reviendrai. J'espère que tu sais que, j'espère que tu sais que, j'espère que tu sais que, je ne sais pas. Inopinément, elle avait des amants autant que d'enfants. Najak, dans la Suisse profonde. On reconnaît là-bas le cosmique perdu et perdu de Najak, de Najak. Inopinément dans la cosmique, non. Inopinément dans le cosmique perdu et perdu. Y'en a Jack. Jack est là partout. Jack est là parmi nous et les chats cherchent encore Lana Jack. Lana Jack. Solo. Dans la nuit perdue, dans la nuit perdue, j'ai reconnu Lana Jack. Inopinément, elle me dit franchement, tu pourrais faire des enfants si tu veux être heureux, être heureux. Lana Jack. J'étais perdu dans mes rêveries. J'étais perdu dans mes rêveries les plus. J'étais. Non, ça marche pas, c'est long. On y va? J'étais perdu dans mes rêveries. Non, pas très bon. J'étais perdu dans mes rêveries qui cherchent la folie, qui cherchait la folie. La conjugaison est bonne, hein? La folie. Quand la Jack m'a mis la main sur les genoux en me disant le fou, c'est fini, c'est fini. Si t'as vu le cosmique, si t'étais perdu, inopiment, hein? Piment tranché, des mayonnaise. Mayonnaise. Si la Jack ce soir revient de sa Suisse dans cette houle, non, c'est allô. Dans ce halo cosmique et perdu, défendu. Pour les enfants de 18 ans et moins, c'est interdit d'entrer dans ce cosmique perdu. Ce cosmique perdu, inopinément et perdu. De Najak, de Najak, de Najak, de Najak, de Najak. Inopinément, le cosmique perdu et perdu de Najak. Najak. Inopinément, la pine dans l'allemand. Il faut s'en dire des histoires d'amour. Inopinément, inopinément, la pine pas devant, mais par derrière, que ça pique. La curiosité des amis. Dans le cosmique est perdu, dans le cosmique est perdu, dans sa cosmétique aussi, elle se demande si l'enfant reviendra. Reviendra trouver ou perdu dans les perdus. Perdu dans les perdus? Vraiment. Perdu dans les perdus. Chercher quelqu'un dans une zone où l'on ne peut rien voir dû à la noirceur torride de cette nuit profondément incertaine. Najak. Inopinément, inopinément, avec Najak sous sa cosmétique tripotente de beauté. Tripotente de beauté. Que dire de mieux que cette phrase lancée comme ça, là, comme une bouteille à la mer? Et je ne la retirerai jamais. Pas la bouteille, là, mais l'idée. La phrase, la belle phrase que j'ai lancée. Bah, bah, comment ça tu parles de même? Mais je sais pas. Ça arrive, puis ça revient plus comme ça. Comme avant. Puis là, vous vous dites, bah ben oui, c'est entraîné sur un rythme. Oh non, pas une deuxième chanson. Ben voyons donc. Pensez, croyez-vous que je vais vous faire cette difficulté auditive-là une deuxième fois? Est-ce que moi, Reynald Gagné, errance rénadienne, j'aurais le culot d'aller plus loin avec un autre rythme? Oh. Éperdu, du divin, en as-tu? Du divin, en as-tu? Du divin, en as-tu? Allongez-vous sur le divan, le divan, le divan, couchez-vous sur le divan, l'éperdu reviendra. Ra, ra, ra, ra, ra, ra, ra, à ra votre mémoire. Si maman, si non, si vous voulez l'attirer, il vous suffit que de vous placer du rouge à lèvres, du rouge à lèvres, à cosmétique, dans le cosmique, cosmétique dans le cosmique, oh oh oh, et inopinément vous l'arrivez par les du temps parlant, oh le plus temps parlant, le bon, et ça c'est le tambour. Ça. Monsieur, ça donne dans la gravité, hein? C'est pas dans la gravité, dans le grave, là. Les gens ont la tête qui bourdonne comme une pastèque, là. Ils disent, vas-tu la lâcher? On l'a lâché, madame. On l'a lâché, puis on l'a mise en cage pour ne plus qu'elle revienne. Histoire, merci. On peut s'arrêter la... Oui, frappe-le. OK. Histoire, là, parce qu'il faut que les piles s'assomment elles-mêmes. Plaçons-la en cage, histoire de lui laisser sa propre rage. Puis le pire qu'elle peut faire, elle là, c'est de se mordre elle-même et de s'auto-donner la rage. Pas compliqué à faire, ça, là. Il n'y a pas de... Oh, oui, c'est vrai, le plus difficile, là, c'est la marche à suivre. La marche à suivre de s'auto-donner la rage. D'un, il faut déjà avoir la rage. Comment la trouver, là? Tu vas à la pharmacie? Devant la petite pharmacienne? Pas une grande, une petite pharmacienne. Elle est tout petite, ta pharmacienne-là, mais elle a le droit de... Elle a le droit de nous regarder avec ses grands yeux. Oui, qu'est-ce que vous voulez? Madame, vendez-vous, je ne sais pas dans quel oui, allô? Oui, allô? Non, allô, ça c'est des anges qui ont des allô. Allô. Des petites rondelles, là, des allô. Mais moi, c'est allô, bonjour, là. C'est pas allô des anges qui tournent autour de ma tête. Je ne sais pas dans quel je peux pas dire substance, là, mais dans quelle matière, quoi. Même pas matière. Alors, comment vous pouvez me trouver de la rage? Et là, je vais m'élancer en vous disant, est-ce que vous pouvez m'en remettre en comprimé, en sirop, en spoussoir? Ça, j'aime moins ça, les spoussoirs. Moi-même, j'aime pas ça du tout, les spoussoirs. Puis vous savez que quand vous avez mal à la gorge, pas si ça vous arrive, là, en fin d'hiver, comme ça, au mois d'avril, on attrape n'importe quoi. Hey, moi, j'ai attrapé deux billets de contravention, c'est pas pire. Bonne voyons nos bâtons, madame, deux billets de contravention. Je sais plus où me la mettre, mais moi, je vais me rentrer ça comme un suppositoire, puis je vais aller les voir en disant, « Oui, l'argent est dedans, si vous voulez fouiller, amusez-vous. Je vais placer deux beaux bruns dans le fond, là, et monsieur, trouvez les bruns, le brun. Démêlez le brun du brun. » Ça vous fait chercher quelque chose que vous aimez pas, hein? Mais pour de l'argent, il y en a qui sont prêts à n'importe quoi, hein? À toute la ville, brun du brun, puis à dire, hey, j'ai de l'argent, Je pourrais fumer, fumerais de l'argent, puis vivrais dans l'argent. Un lit avec un matelas d'argent. Tandis que les princesses, c'est très simple. Une princesse cherche son prince. Puis aussi, se trouver le lit avec le balaquin, c'est loin, le wallage au-dessus du lit. C'est important le wallage si tu veux être une princesse. Pas de wallage, pas de princesse. Ça brise tout le charme. Ça brise tout le côté Walt Disney. Si tu enlèves le Walt Disney, il ne reste plus rien. Ça reste une petite fille qui attend. Pendant toute sa vie, elle va attendre. Là, elle va écouter leur chanson. Un jour, le prince viendra un jour, il me dira. C'est ça, il va se foutre de sa gueule. Pas de sa gueule, mais de sa gueule. Il va se foutre de... Voyons donc, arrête de croire au prince charmant. T'es naïf, ma Gertrude, t'es naïf. T'as 80, excuse-moi, j'ai quelque chose dans le gorgoton. Oui, madame. T'as merci. Oh! J'aurais pas dû mettre de glace, ça a comme figé là. Moi, j'ai pas d'amygdale. Mais un peu comme quand tu fais couper la. Ou tu te. Tu sais, t'as un bras pendant 50 ans de ta vie, puis tu te fais couper le bras. Tu sais, le bras fantôme, là. Moi, j'ai des amygdales fantômes. N'ai plus depuis 5 ans, l'âge de 5 ans. Je suis rendu à quel âge? Oh, quelle indiscrétion, mademoiselle! Je ne vous ai point demandé votre âge. Vous me demandez à quel. C'est pas comme ça aujourd'hui, hein? Toujours, hein? Non, c'est pas l'âge qui importe. Qu'est-ce que vous faites comme travail? Est-ce que ça vous rémunère assez pour me faire vivre? Je suis une princesse. J'ai besoin d'un lit avec un wallage. Beaucoup de champagne. Et tous les à côté. Là, tu te dis, c'est quoi à côté de champagne? Là, tu t'en vas dans un magasin à bouteilles. Alcoolisé. Et là, tu demandes au commis, au préposé, qu'y a-t-il? Quelle bouteille se trouve à côté des champagne? Parce que moi, j'ai marié une princesse. Puis elle m'a dit, à côté de champagne. Elle veut du champagne, mais à côté, qu'y a-t-il à côté de champagne? Alors là, le préposé dit, « Monsieur, nous avons du rosé. » Du rosé? Du rosé, c'est une horreur du rosé! Savez-vous d'où vient le rosé? Ça vient pas de l'herbe du matin, là, quand tu te lèves, tu te mets des petits les pieds là-dessus, les petits orteils, puis « Oh, c'est mouillé, c'est humide! Ah, c'est pas ça, le rosé! » C'est un restant de vin blanc avec un restant de vin rouge, avec un restant de n'importe quoi, tout pourri, tout fini, qui te place ça dans une bouteille, puis on dit « Bois ça, mon champion, t'es un innocent, tu vas aimer ça! » Ça se vend pas nulle part ailleurs qu'au Québec puis en Suisse, cette affaire-là. Ça prend juste des Québécois puis des Suisses, des gens de Suisse pour boire ça. À Lausanne. Quand tu débarques là, du train, du TGV, on ne tire pas la main, on te donne une bouteille de rosé. « Hey, bienvenue à Lausanne, avez-vous bien? Voyons, et tu vois, voyons donc, toi, ils sont sur le rosé, on est sur le rosé du matin, le rosé. » Tu dis « Mondo Madre à José. » Malgré à José. On peut-tu mettre d'écho, s'il vous plaît, pour vous? Malgré à José. Ah, oui, monsieur, ça, c'est trop d'écho. Ça donne mal aux... Oh, je suis coincé dans le micro, madame Thibodeau. Mais... Moi, je suis tombé par en haut. Dans le bouchon. Mais... Pouvez-vous trouver quelqu'un, je sais pas, un homme à tout faire? Pour me défaire de cette fâcheuse position. Ben là, je suis tombé par le fessier. Ça fait dur parce que le fessier s'est fait on. Combien ça, c'est. Je fais chier, je me débat depuis 2 heures et demie, je pensais que personne allait arriver, puis là, j'entends ma voix, puis heureux sont les enfants qui s'aiment dans le départ des rosiers. Pardon? Non, on ne voit pas de rosé, moi. C'est pas, l'histoire, c'est pas du rosé, moi, là. Ah, ma vie est pas rose. Oh mon dieu. Là, j'ai le fessier rentré comme dans un cornet. J'ai un envie, je peux pas faire ça le même, là, mais si vous pouvez m'envoyer un homme à tout faire qui pourrait me défaire, sinon il va travailler, il va être obligé de laver, lui, là. Mais, à cette heure-là, il n'y a personne, ben voyons donc, toi, il est minuit 25, il n'y a personne à minuit 25 pour venir me déloger de ma faucheuse position. Ah, mon, mais écoutez, je suis pas capable de dormir comme ça toute la nuit, moi, là. Travail matin à matin ce matin, moi là. Merci beaucoup. Merci de prendre connaissance. Oui. OK. Aidez-moi. Merci. Comme on dit en anglais, help. Si tu help. H-E-L-P. Oh non, excusez. H-E-L-P, point d'exclamation. HLP, point d'exclamation. HLP, moi, attention, délivrez-moi de tout mon mal. Et puis, madame, si c'est pas trop vous demander, là. Là, ben, tout faire, là. Mais si pourrait tout faire pour me rendre heureux. Moi, je veux vous dire, j'ai 66 ans. Mes enfants sont élevés, ils sont partis, là. J'ai migré. 33 ans, travaille fonctionnaire fédéral, pas pour provincial, elle veut rien savoir du Québec, partie à Toronto. Mais je l'ai plus vu, ça fait au moins 15 ans que je l'ai pas vu, moi, là. Ah oui, oui, elle parle plus à sa vieille mère, puis eh bien, elle devrait être bien contente de me voir comme ça, là. C'est une insignifiante de presse, c'est pas parce que ça sort de toi que ça... Non. Ça peut être décevant, là, à la sortie. Au début, c'est beau, là, mais quand ça vieillit, puis c'est l'environnement de ces enfants-là, hein? Toi, tu les élèves comme il faut. Tu veux que ça devienne des héros. Puis ils tombent dans l'héroïne. Puis c'est pas ce héros-là que je voulais, moi, pour elle. Puis là, ils t'ont rendu gouvernement fait de l'air. Mais pouvez-vous m'aider, madame? C'est beau. C'est super, merveilleux. Là, je pense que je cherche l'écho, là, mais je vais juste vérifier. C'est ah, parfait. On va tout enlever, sinon les gens vont être Les gens vont être. Hey, ton français. Les gens seront inquiets de ma langue que je tente de maîtriser la mieux possible, sauf à la radio. Tu parles! C'est le moment, l'endroit où il faut que tu sois prudent, dit-il en raccrochant son micro. Oui, je l'avais décroché pour pouvoir bouger partout dans mon studio. Quand je fais des improvisations, moi, il faut que... Là, vous demandez à quel moment il va mettre de la musique. Bien, ça pourrait être maintenant. Là, hein? Avez-vous une petite envie? Pas une envie de... de musicalité? Ce serait chouette. Quand c'est chouette, ben c'est toujours agréable, hein? Parce que tu dis, ben beau, là, d'être chouette, mais le hibou doit être pas très loin, hein, avec ses grands yeux, lui-là, là. Ah, oh, on sait jamais. Bien que ces vaches de bourgeois, bien que ces vaches de bourgeois nous appellent des filles de joie, nous appellent des filles de joie, c'est pas tous les jours qu'on rigole. Parole, c'est pas thank you. avec des pieds de grue, car même avec des pieds de grue, faire les 100 pas le long des rues, faire les 100 pas le long des rues, c'est fatigant pour les guiboles. Il y a des salauds qui ne se trempent jamais dans l'eau, qui ne se trempent jamais dans l'eau. Faut pourtant bien qu'on les cajole. Parole. Faut pourtant bien qu'on les cajole. Qu'on leur fasse la courte échelle pour monter au septième ciel. Les sous, croyez pas qu'on les vole. Pécor et de Minus, ris pas de la pauvre Vénus, la pauvre vieille casserole. Il s'en fallait de peu, mon cher, que cette putain ne fût amère, cette putain dont tu rigoles. Parole, cette putain dont tu rigoles. Les artistes trouvent leur nom. Je ne sais pas si c'est compliqué pour un... C'est sans doute pendant une soirée, là, bien arrosé, ils viennent de composer 4-5 titres, là, mais... Hey, voyons, mettre d'écho, voyons, hey, pas trop d'écho, là. Ménage-moi ça, on se croirait dans une bouteille. Une bouteille de Bordeaux Girl. Connais-tu ça, la bouteille de Bordeaux Girl? Non, c'est pas le bon écho, ça. Ah, ça, j'aime ça de même. Ah non. On dirait dans la salle de bain. Ouais. T'es là, t'attends. Tu souhaites que tout va arriver rapidement, t'as pas le temps à perdre, là. On perd-tu un temps fou là-dedans? Madame Pipi qui est là, qui compte son change, sa petite monnaie. 2, 3, 4. Et là, ça fonctionne. Excusez-moi, peux-tu baisser de. Tu te demandes, tu sais, quand t'arrives là-bas, là. Est-ce que ça fonctionne à la minute? Moi, je suis constipé. Je sais pas comment de temps ça va prendre, madame. Madame Pipi est là à l'ouverture. Bonsoir, monsieur. Bonsoir. Ça va? Ça va aller mieux. Ça va aller mieux. Alors là, attends la main. Tu attends la main. Veux-tu me donner la main, la bise ou la biser, la bose? Qu'est-ce qu'il y a? On sait pas. On nous l'apprend pas. Il n'y a pas le lexique. Le lexique du Québécois à Paris, tu connais pas ça, là. Tu sais, Madame Pipi, au Québec, il n'y en a pas. Au Québec, il y a Madame Pipi. En tout cas, s'il y en a, dites-le-moi. Dites-le-moi, mais selon moi, il n'y en a pas. Selon moi, il n'y en a pas. Arrête de chanter en même temps, toi. Ça, là, c'est le petit merle qui, le matin, il se réveille, il chante tout le temps. Le midi, hein. En revenant à la maison pour le repas, il repart pour le travail. Nya, nya, nya, nya. C'est tout le temps en train de chanter ces affaires-là. Pour les gens qui n'aiment pas trop les chanteurs amateurs, là, c'est ceux qui s'improvisent. Y en a-tu des improvisateurs amateurs de chanteurs de chansons? Y en a trop. Ça regarde la télévision, oh, il chante bien, hein, mais il ne s'arrête pas aux paroles. L'important, comme disait Beko, c'est la rose, mais aussi, dit Rénal en même temps, du même coup, c'est les paroles, le texte, la mélodie, la voix. Ça vient après, ça vient envelopper le tout. Quand j'écoute Brigitte Fontaine, c'est merveilleux. Quand j'entends Jane Birkin, c'est merveilleux. Quand j'entends tous ces êtres qui sont là pour nous amener du baume au cœur. Du baume au cœur. La troisième vertèbre à côté de la... Madame, vous, c'est à côté de la cellulite. Elle a fait de la cellulite, pas juste aux jambes. Ça a monté. Le ventre cellulitaire, c'est une invention. C'est pas du tout une invention. On appelle ça une maladie orpheline. Hein? L'orpheline, c'est elle. Les nerfs, parce que si vous ne savez pas, là, madame, mademoiselle, si vous êtes jeune, hein, vous avez 22 ans, heureuse, vous, hein, vous riez, vous avez des belles dents de jeunesse, comme disait France Gall, les dents de loup, les dents écrites par Gainsbourg. Ben, vous êtes heureuse. Vous, si vous avez des enfants, si vous procréez, pas la cigogne qui va amener ça, là. J'en parle souvent de la cigogne, c'est pas elle. C'est pas le chou non plus, là. C'est pas la fleur. La fleur va pas se réveiller. Oh, voilà un pépé! Oh, il est tout beau, tout chaud! Saint-Exupéry, priez-moi pour nous. Aujourd'hui, le lundi, en avril, c'est merveilleux. Louisville, c'est encore mieux. Surtout avec ses chansons. Je parlais de textes très, très, très intéressants, très ancrés sur son univers, sur l'urbanité, sur le côté aussi un peu... Vous avez raison, Mme Thibodeau. Vous avez raison. Son côté underground. Ça m'a pris du temps et beaucoup d'énergie pour le rencontrer, puisqu'il n'habite pas à Paris, mais en banlieue. Il a décidé de faire carrière loin de l'épicentre. Et ça lui va bien. Alors, aujourd'hui, l'errance rétantienne vous propose... Là, j'ai dérogé. Quand tu déroges, tu ne sais plus ce que tu veux dire, parce que le texte est déjà appris par cœur. Je dois dire la date. Donc, pour dire la date, il faut lever tout ça et vérifier. Madame, pouvez-vous vérifier pour nous, pour avoir l'air intelligent? S'il vous plaît. Où est la feuille? Il n'y a plus de feuille. Aujourd'hui, le 23 avril 2018, le lundi, l'errance rénadienne vous présente.

on peut attendre un peu. Voulez-vous... OK. Tu es spectatrice? Oui, voilà. OK, mais tu peux applaudir quand tu veux. Hein? Enfin, Louisville, bonjour, bonsoir. Bonjour. Ben là, parce que c'est diffusé le soir, même s'il y a du soleil, on va... Comment ça va? Ben, ça va plutôt pas mal. Hey, écoute, je te connais depuis très longtemps, grâce à tes albums, à tes disques, à tes chansons. Et ce qui me plaît chez toi, c'est ton côté indépendant. Ton côté indépendant et ton côté aussi qui n'abandonne jamais. Oui, comme un morpion. Un morpion? Oui, pareil. C'est-à-dire, on s'accroche. OK, oui, exactement. Mais qu'est-ce qui fait que tu t'accroches? C'est la conviction et c'est un... C'est peut-être... ou alors une case en moins, je ne sais pas. Je ne peux pas te dire ça, franchement. Okay. Je suis convaincu de raconter les choses que j'ai envie de raconter, d'être en phase avec moi-même, d'être sincère avec moi-même. Donc, je crois que c'est le plus important, ça. Oui. Mais tout d'abord, avant même de faire Cavalier Seul, tu avais un groupe dans les années 90. Oui, et avant j'ai eu des groupes de punk aussi dans lesquels j'ai joué. Non, mais j'ai un peu joué. T'es un enfant du punk, comme beaucoup de musiciens. Même avant, j'ai connu la musique avant l'avènement du punk. Et je fais du jazz rock, j'ai fait de toutes sortes de musique. Puis le punk est arrivé et vraiment, effectivement, ça m'a bouleversé le punk. Il y avait cette violence, cette révolte qui me parlait beaucoup. Voilà, donc à partir de ce moment-là, moi, j'ai fait aussi des groupes de punk, j'ai fait du rock un peu british violent, très violent. Et puis dans les années 90, j'ai fondé un groupe qui s'appelait Do It. Exact. Mais pourquoi Do It? Parce que j'avais envie de le faire, Non mais pourquoi le nom Do It? Ah, parce que justement, j'avais envie de le faire. Okay. Voilà, c'est tout, et j'avais envie de monter... un répertoire où je m'essayais dans la langue de Shakespeare. Et puis, voilà, on a écumé les scènes de d'Europe. Et puis... à peu près 9 ans? 9 ans, oui, à peu près. Puis au bout d'un moment, j'en ai eu marre. Parce quoi, que la vie de groupe t'a emmerdé? Le problème, c'est l'humain à gérer. Hein. D'une part, et puis d'autre part, je crois que j'avais fait le tour aussi. J'avais fait du le groupe? Tour. En anglais, et de mon aventure musicale rock british. Et de l'écriture anglaise et du fait aussi d'être toujours, je dirais, tenaillé par les égos des uns et des autres. C'était compliqué. L'égo de chacun dans un groupe, c'est ça. Oui, c'est compliqué. C'est compliqué. Et puis un jour, je me suis mis à commencer à écrire en français, dans ma langue natale. Et puis, il s'est avéré que c'était pas trop mal. J'étais pas... pas trop mécontent, j'ai pas fait que des choses bien, au contraire, mais... Selon toi, c'est ta vision de ce que tu faisais, de ce que tu fais. Au départ, il n'y avait pas... une sorte de... comment de... d'écriture qui était un petit peu de l'esbroufe. OK, ouais. Un petit peu d'esbroufe, c'est-à-dire que, bon, de temps en temps, j'avais des inspirations qui étaient beaucoup plus sincères que d'autres. Voilà. Et petit à petit, je me suis rendu compte que ce qui me parlait quand j'interprétais les chansons, c'était ça. C'était ce qui venait de moi, ces petits riens, ces humains qui m'avaient inspiré, tout ça. Donc voilà, ça m'a conforté dans l'idée de poursuivre sur ce chemin-là. Et tu as décidé en 99 de travailler seul. Oui. Et surtout, l'intérêt de travailler seul, c'est de pouvoir se promener dans les villes avec une guitare. Oui. Économiquement parlant, c'est très intéressant. Ah oui, bien sûr. Ouais. Non, mais il y a cet aspect-là et puis aussi cet aspect... de la liberté. La liberté. C'est-à-dire, je revendique tout et j'endosse toute la responsabilité, soit du succès ou du non-succès des choses. Et je m'en fous parce que c'est mon projet. Et parce que je joue avec d'autres personnes. Hein. À l'heure actuelle, je joue en trio avec un violoncelle et une contrebasse. Okay. Donc voilà, je me produis très souvent en solo, très souvent en duo, et puis... En trio. Et en trio quand les budgets sont suffisants. Ouais. Voilà. Ouais. Mais il y a des gens qui t'ont vite repéré. Foulquier en est un. Oui. Jean-Louis. Dès le départ. Qui était un fou de la francophonie. La Rochelle en est un exemple hallucinant. Aujourd'hui, c'est devenu un bazar également hallucinant. Mais à l'époque, c'était pas ça. À l'époque, c'était trouver le chanteur. Es-tu froissé si je dis que t'étais au début plus chansonnier que chanteur? Tu sais la différence chez nous entre un chansonnier et un chanteur? Eh ben non, tu vas m'expliquer. OK. Mais tu sais ce que c'est qu'un chansonnier? Vas-y, parce okay. que là, je... Ben, un chansonnier, c'est quelqu'un qui revendique ses textes oui. avec sa guitare. Et chanteur, tu le places plus vers l'interprète? Ben, un chanteur, c'est comme toi. Ben, pas du tout. Un chanteur, c'est quelqu'un qui peut s'amalgamer à un groupe et chanter ses textes. D'accord. OK. Donc, le chansonnier, il y en a beaucoup au Québec. Félix Leclerc est un chansonnier. Okay. Parce qu'il n'y a pas de groupe. Oui, guitare-voix. Oui. Il n'y avait pas de groupe. Aujourd'hui, il y en a de moins en moins de groupe, Félix. Il a décidé d'arrêter. Donc, c'est vraiment sa guitare et sa voix. Oui, OK. Donc, c'est ça un chansonnier. Eh bien, là, moi, je fais les deux. Oui, voilà. Mais quelquefois, quand tu fais le chansonnier et tu te défends tout seul, peut-être la gratification vient de là. Mission accomplie parce que tu avais la dextérité cette soirée-là et tu avais le don de... Ah oui, complètement. Bien sûr. Non, mais je sais qu'à partir du moment où mes chansons... interprété en solo, guitare-chant, fonctionne et qu'elles ont un bon accueil, je sais qu'après, c'est plus que de l'enrobage. Non. Qu'est-ce que Foulquier a trouvé, parce qu'il doit te l'avoir dit, qu'est-ce que Foulquier a trouvé chez toi qui était autre que la majorité faisait? Ben, je pense que ce qu'il a beaucoup aimé, c'est que mon premier album ait été complètement censuré sur les ondes de France Inter. France Inter. C'est là-dessus qu'il y a Lola? Non. C'est passé, France Inter. Et c'est passé à un moment donné quand je l'ai écouté deux fois et on n'a jamais diffusé la chanson complète, je sais pas pourquoi. Deux fois. Sur France Inter. Mais oui. Par la suite, on l'a entendu. Oui, on l'a beaucoup entendu cette okay. chanson-là, mais voilà quoi. On peut te dire que c'est un de tes succès? Non, pour moi non. Ok, toi t'as pas de succès? Non, j'ai des chansons qui me. Qui collent à la peau. ou qui parlent plus au public que d'autres, mais. Non, succès. Si, un succès, un seul succès que j'ai et qui est récurrent, mais c'est le titre du premier album, c'est Hôtel Pourri. Et c'est le seul titre. Vraiment, je crois qu'il a marqué beaucoup de gens. Ok. Voilà. Et pour venir à Foulquier, le premier album, ce qui l'a intéressé, c'est. Excuse-moi, je t'ai interrompu. Ben, je pense que c'est ça. Ok. C'est le côté irrévérencieux des textes et. Rapidement, il y a Brassens qui s'est greffé à toi, qui s'est collé sur toi comme référence. Ça, c'est un peu emmerdant, les références. Oui, hein? Non, mais ça, je voyais pas du tout le lien. Le lien, ouais. Non. Non, parce que Brassens... Encore aujourd'hui, tu vois pas le lien. Non, pas du tout. Okay. Pas du tout, parce que Brassens lui dénonçait la société dans laquelle il vivait. Il racontait ses désirs, il racontait des tas de petites choses comme ça, de manière poétique. Et j'ai pas du tout eu l'impression à cette époque-là de faire ça. Du tout. Donc, et je trouve que sincèrement, on voit plus la similarité avec Léo Ferré, entre guillemets. Moi j'aime beaucoup l'écriture. Premier album, le premier opus. J'aime beaucoup l'écriture de Ferré. J'aime pas trop son interprétation, mais j'aime beaucoup. Pourquoi qu'est-ce qui t'emmerde dans son interprétation? Oh, c'est trop. Surjoué, c'est empesé. C'est lourd. Moi je me souviens de certains lives où il attendait que les gens applaudissent entre chaque couplet. C'est quand même... Ah ouais. On peut-tu applaudir quand on veut, hein? C'est ça donc, la liberté. Voilà. Non, c'était, ça me faisait plus penser à un discours politique. Ok, oh, ouais, c'est bon ça. Voilà quoi. Mais par contre, c'est un génie de l'écriture. Oui. Il a fait des textes merveilleux. Mais qu'est-ce que tu voulais dénoncer dans ton premier album pour être aussi rentre dedans? Je dénonçais rien du tout. Je ne dénonçais absolument rien dans mon premier album. J'avais pas du tout... C'était très, très égocentré, le premier album. C'était ma petite personne, mes angoisses, mes délires, mes solitudes, mes désirs. Mais on pouvait sentir aussi que tu venais du punk. C'était... Il y avait... c'était matinée de rock, d'arabo-andalou, de blues. Il y avait de tout, parce que c'est ce qui a construit ma culture, ce que je suis, quoi. Mais ton travail du premier album, ça c'est un mais c'est une aventure de plusieurs écrits que tu as fait pendant quelques années avant d'accoucher du premier album? Deux ans avant. Oui? Deux ans. Mais lorsqu'on fait un deuxième album, tout a été dit dans le premier, alors comment on procède pour... On attend le deuxième album et c'est là que la majorité des chanteurs ou des groupes ou des musiciens se plantent? Premier album, c'est simple. Je l'ai enregistré, mais de manière très, très roots comme ça. Et, okay. Et une fois qu'il était pressé, il y a un label qui m'a signé ouais. ensuite. Donc Il a eu une vie très rapidement. Je ne sais pourquoi j'allais danser à Saint-Jean aux musettes, mais quand un gars m'a pris un baiser, j'ai chaviré, j'étais chippé. Comment ne pas perdre la tête, serré par les bras audacieux, car l'on croit toujours aux doux mots d'amour quand ils sont dits avec les yeux. Moi qui l'aimais tant, mon bel amour, mon amant de Saint-Jean, je restais grisé sans volonté sous ses baisers. Sans plus réfléchir, je lui donnais le meilleur de mon être. Beau parleur, chaque fois qu'il mentait, je le savais, mais je l'aimais. Comment ne pas perdre la tête, serré par des bras audacieux, car l'on croit toujours aux doux mots d'amour quand ils sont dits avec les yeux. Moi qui l'aimais tant, mon bel amour, mon amour de Saint-Jean, je restais grisé sans volonté sous ses baisers. Je restais grisé sans volonté sous ses baisers. Mais hélas, à Saint-Jean comme ailleurs, un serment est un leurre. J'étais folle de croire au bonheur et de vouloir garder son cœur. Comment ne pas perdre la tête, serré par les bras audacieux, car l'on croit toujours aux doux mots d'amour quand ils sont dits avec les yeux. Moi qui l'aimais tant, mon bel amour, mon amour de Saint-Jean, il ne m'aime plus, c'est du passé, n'en parlons plus. Il ne m'aime plus, c'est du passé, n'en parlons plus. Écoutez-moi, vous toutes, vous qui êtes en détresse, même si le vin de messe, si celui qui confesse n'est pas du goût de toutes, écoutez-moi, vous toutes, et buvez mes paroles. Elles ont le goût des anges, elles ont le goût des trans, elles ont le goût de... Elles ont le goût des mots qu'on étreint en chantant, qu'on oublie pour un saut, pour un rêve dans le Graal, pour un regard abyssinal. Et c'est pas mal. Même si dans le doute on s'égare de la route pour telle ou telle raison de mauvaises ambitions, sachez que les grands bras du Très-Haut seront là, toujours présents, toujours tendus, toujours amènes, toujours bronzés. Yeah, yeah, yeah. Tu dis toujours les mêmes choses. Bla, bla, bla. On aime encore la guimauve. Bla bla bla. monsieur grand citoyen. Je vous promets la vie, la croissance infinie. Nous serons les plus forts, nous ferons des efforts. Nous serons toujours là, les gendarmes du monde. Car vos pensées sont bonnes, même si Marc Sacambronne. Les douleurs sont affolées, ne soyons pas frileux. N'ayons pas peur des feux. Que des coups d'épée dans l'or, je serai votre guide. Vous n'avez rien à craindre. Vous n'aurez plus qu'à vivre. Jamais plus à vous plaindre. Sans que cela vous embête, avec moi ça c'est sûr, nous n'irons pas dans le mur. Accordez-moi vos voix, vous êtes certainement là. Là des discours, là de tous ces mensonges. Savourons, savourons, savourons, savourons. Savourons. Tu dis toujours les mêmes choses. Bla, bla, bla. On aime encore la guimauve. Bla bla bla. Tu dis toujours la même chose. Bla bla bla. On aime encore la guimauve. Bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla. Donc ça s'est passé comme ça. Et puis j'ai eu des ennuis avec le label justement qui... voilà, donc ça m'a un peu dégoûté. Donc le deuxième album, j'ai produit à titre d'auteur. Et il a eu une bonne petite vie. J'en étais pas plus satisfait que ça. Il y avait des bons titres, mais tout n'était pas... Il y avait encore cette... je pense que c'était le souci du deuxième album. Voilà, okay. Qui était là. Donc il y avait des bons titres. Il y avait des choses qui étaient vraiment très intéressantes. Et puis d'autres qui étaient vraiment plus que moyennes. Qui étaient... à une qui est de... pas dû figurer sur un album. Alors, il voilà. Y en a que tu revendiques plus aujourd'hui, là. Plus du tout. Que t'as barré, que t'as biffé sur, tes, oui, sur ton complètement, répertoire. Complètement biffé, comme tu dis. Mais le premier album, combien de pièces tu gardes encore? J'en garde 3-4. 3-4. Mais ce sont des titres... c'est pareil, comment l'interprétation sur scène, elle est simple. Si, à un moment donné, je vais chanter une chanson et qu'elle ne me parle plus, que je trouve plus de point d'accroche pour être sincère, je la mets de côté, ça reviendra. Mais à l'heure actuelle, j'en interprète, allez, je dirais deux, assez fréquemment. Est-ce qu'il y a des demandes du public, parce que tu fais quand même ton bonhomme de chemin depuis 99 en solo, est-ce qu'il y a des demandes, des chansons qui pour plaire, que tu reprends, même si te plaisent un peu moins? Ben, ça va bien, parce qu'en fin de compte, on est à peu près en phase. Ok. Il y a des chansons comme Les Ours. Ah oui, oui, oui, oui. Et comme c'est ce titre-là, comme Hôtel Pourri, qui sont assez. Ça, c'est souvent, le premier album. Ouais. Qui sont souvent demandés. Et il y a aussi Y en a marre de une reprise de Léo Ferré que je fais. Oui, oui, oui. Voilà, oui. Donc ça, c'est des titres, c'est consensuel parce que ça me plaît autant que. Ok, t'en as pas marre, comme on dit. Non. Non, il y a des titres qu'on a pu me demander des fois et où j'ai dit non parce que franchement... Est-ce que tu réorchestres ou tu veux garder la même facture, la même... C'est jamais figé. OK. Même le soir, tu peux modifier des accords comme tu es tout seul à la guitare. Ça. Modifier les accords, non, pas forcément, mais l'interprétation, elle peut différer complètement. Je peux m'amuser, je peux aller chercher d'autres choses. Et oui, ça c'est bien, faut pas figer les choses. Je t'ai jamais vu en spectacle parce que t'es jamais passé au Québec et quand je vais à Paris, t'es jamais situé dans des salles. Mais lorsque tu vas sur scène, es-tu du genre à improviser ou tu suis vraiment la ligne? J'essaye quand même d'être le plus efficace possible, c'est-à-dire que j'improvise peu. Parce que les textes, que les chansons, même si elles paraissent très légères ou très anodines, elles sont très écrites. Et c'est compliqué pour moi, d'une part. De me concentrer sur l'interprétation du texte et d'autre part de me concentrer en même temps sur l'interprétation musicale. Tes chansons qui se retrouvent sur un disque, est-ce qu'elles ont vécu sur scène? Pas toujours. pas toujours. Il y en a qui ont la différence entre lorsqu'on en dit et qu'on sait c'est comment ça fonctionne. C'est là où le caractère instantané est vraiment flagrant. Oui. Parce qu'en fin de compte, un album, c'est vraiment comme une photo. C'est, on fige c'est ça. Après, c'est pas figé. Et le fait de travailler avec des bons musiciens fait que justement il y a une réelle évolution au fil du temps et que des fois on est très surpris de réécouter le titre qui a été enregistré et de la manière dont il est interprété sur scène quelques années après. Donc tu préfères travailler tes chansons sur scène avant d'arriver en studio? C'était le cas jusqu'au dernier album. Et puis le dernier album, je me suis dit, j'ai pas à demander l'aval du public. C'est moi que ça regarde. Ah ouais. C'est moi que ça regarde, et puis voilà, quoi. Donc, Es-tu friand en studio des musiciens et de tout le monde, un peu comme Brel faisait ensemble, dans le même studio aussi, c'est les pistes, une piste à la fois? J'aime assez l'ossature, faire une ossature en live, oui. Ouais, c'est ça. Alors, si on peut avoir tous les musiciens, s'ils peuvent être disponibles au même moment, on va chanter tout en même temps, on va travailler tout en même temps. Voilà, et après la post-prod, on peut très bien refaire. Modifier des trucs, la guitare est passée. Voilà, bien sûr. Mais l'énergie. Oui. Elle est importante. Oui. Sur certains titres, pas sur tout, de toute façon. Il y a des titres que je travaille tout seul, parce que je sais très bien que l'énergie sera là, peu importe. Mais l'interprétation des musiciens, elle apporte tout de suite une couleur. Hein. Donc il faut être. Faut avoir faim de ça. Oui. Mais comment tu repères tes musiciens? Parce qu'ils sont fidèles depuis. Il y en a certains qui sont quand même assez fidèles. En 2009, j'ai jeté un coup de pied dans le groupe. Dans le groupe, ouais. Les gens qui m'accompagnaient. Parce que tu as voulu vraiment te rafraîchir. Je trouvais qu'il y avait encore des problèmes d'ego et moi ça m'énervait parce qu'en fin de compte, je voulais trouver des gens qui n'avaient rien à prouver. Puis toi, tu n'as pas d'ego, on le sait. Je m'en fous totalement. Je peux être vexé des fois pour certaines choses, mais pas pour mon travail parce que si. Peut-être par le fait que tu écris avec beaucoup de. Nous autres, on dit visser au plancher, là, tu visses au plancher, tu. Ah, c'est quoi cette image-là? Visser au plancher, c'est pas mal, hein? C'est pas mal. Mais c'est parce que on dit aussi ça frappe dans le dash. C'est-à-dire, un dash, là, c'est une voiture, le devant d'une voiture, et quand on freine, on frappe dans le dash. Donc, il y a un rampe dedans. C'est percutant. C'est percutant, mais frapper dans le dash, c'est une expression québécoise. Donc, ou le pare-brise, on va rester français, frapper dans le pare-brise. Dans le dash, c'est plus... Et donc. Ce qui peut peut-être choquer, c'est ça, c'est la façon dont tu le dis. Mais il n'y a pas de provocation. En fait, involontaire. Oui. Mais peut-être, mais... De toute façon, il faut savoir que comme j'ai pas été surexposé médiatiquement, je fais mon bonhomme de chemin, c'est-à-dire qu'en fin de compte, j'ai pas eu une image à renvoyer qui est toujours la même, ni même les propos à renvoyer qui sont toujours les mêmes. Je peux très bien, du jour au lendemain, de par mon changement de mode de vie, de par mon environnement, je peux très bien raconter d'autres choses. Et c'est cette liberté-là qui est totalement indispensable. Le dernier album, il ne traite pas du tout du même sujet que celui d'avant, ou un petit peu, j'y reviens, parce qu'en fait, quand il y a des thèmes récurrents, il suffit d'observer l'humain et ce qui se passe dans notre monde et dans notre société pour trouver des thèmes récurrents. Et après, il faut pouvoir en parler de manière relativement, je dirais, originale. Mais il y a une maturation, c'est comme une évolution aussi. Ben oui, une maturation, une évolution, on change. On n'a plus forcément les mêmes choses dans la tête que... Heureusement. 18 ans auparavant. Sinon, ça, c'est un signe de blocage. Et il y en a beaucoup qui ont resté bloqués. Hein. Certains chanteurs et créateurs ont resté bloqués. Des gros sur un blocages. Succès pour toujours entamer un succès, puis on ne sait pas comment c'est fait, donc on peut... Mais ton travail d'écriture, est-ce que c'est constant? Es-tu toujours en mode du recherche? Tout. Je suis un gros feignant. OK. Pas du tout. De temps en temps, je chope des bons mots, des bonnes idées que je note, mais ce sont des bribes. Okay. De temps en temps, ma femme aussi sort des belles phrases comme ça qui me plaisent beaucoup. Ah oui, c'est bien. C'est bien. C'est ton premier public? Non, elle est très critique. Okay. Elle est très critique. Et toi, ça te vexe ou ça te... Pas du tout, mon Dieu, pas du tout. Je respecte. Je respecte énormément ce qu'elle peut sentir. Elle peut. Et en plus, c'est une touche féminine, donc il y a quelque chose là-dedans à prendre et à ne pas. Il y a de la féminité. Ben oui, ben. Bien sûr, de la féminité. Oui, oui, bien sûr. Si on regarde le premier album jusqu'à aujourd'hui, il y a des, comme tu disais, il y a des thèmes qui reviennent constamment. Qu'est-ce que tu veux encore raconter aujourd'hui en 2017? Qu'est-ce qui te tient à cœur? Là, c'est la grande interrogation. Là, pour toi aussi? Oui, bien sûr, okay. Parce que je suis en train de préparer mon prochain album. Et il y a des thèmes qui me tiennent à cœur, parce que je ne les ai pas encore abordés. Pas encore abordé. Oui, oui, oui, il y a plein de choses. Et puis je crois que on peut raconter la misère du monde et l'injustice de tellement de manières différentes. Il n'y a pas de problème, je crois que c'est comme l'amour, c'est relativement... Mais t'as il y a toujours des choses à dire, donc c'est toujours, intéressant. Toujours, toujours, toujours. Après, il y a des angles d'attaque pour amener le sujet. C'est toujours compliqué. J'ai toujours essayé de créer des personnages, moi, qui... Est-ce que les personnages, c'est un peu toi? C'est un mélange entre... Ouais. Entre moi, mes fantasmes, Monsieur Tout le Monde, c'est un petit peu tout, quoi. Je crois que c'est un mélange, quoi. Un melting pot. C'est peut-être un bioman. Un bioman. Et toi, tu as décidé de faire carrière en dehors de Paris? Oui, oui, oui, oui, oui. Pourquoi? Il y en a beaucoup, hein? Il y en a beaucoup. Parce que soit on galère terriblement à Paris financièrement, parce que c'est quand même une vie. Une ville où on a besoin de gagner un minimum sa vie pour vivre. Il est certain que je ne peux pas non plus... j'ai moins d'opportunités. Contre ta bouche. crépuscule pèse sur tes vêtements neufs. Attends-moi, je suis en équilibre sur la faune. Sur la faune. Accepter de prendre un verre. Ah ben nous on les suivait jusqu'au bar. Ils nous donnaient de leur pinard. Ça nous faisait tenir bien sage. C'était vraiment un bon ménage. C'était vraiment un bon ménage. Le dimanche on allait au bois. Il y avait les claques à chaque fois. On a été 7 puis 12, car maman était très jalouse. Son homme était l'astre du jour, et puis elle adorait l'amour. Maman elle est morte à l'ouvrage, c'était vraiment un bon ménage. C'était vraiment un bon ménage. C'était vraiment un bon ménage. C'était vraiment un bon ménage. Mais ça leur crevait l'avoir du cœur. Mais moi j'ai cherché le bonheur. Comme il n'existe pas sur terre, je n'ai trouvé que la misère. Je suis une bête de somme, condamnée à aimer les hommes. Je suis une bête de somme, condamnée à aimer les hommes. Jusqu'au terme de mon voyage. Et puis merde pour les bons ménages. Et puis merde pour les bons ménages. Et puis merde pour les bons ménages. Et puis merde pour les bons ménages. On a quitté Porte-Saint-Ouen. Le père était tondeur de chien. La mère faisait les lessives. Faut bien travailler pour qu'on vive. Faut bien travailler pour qu'on vive. Vous écoutez Errance Rénaldienne sur CKRN MF, le 89.1 à Québec. avec Reynald Gagné. T'aimes pas les dimanches, moi je t'en inventerai des dimanches de ceux qui ont pas le goût d'urance. Je n'attendrai que ton réveil pour t'inonder d'un soleil voluptueux, excitant. Et la caresse d'un oiseau, d'un ce qui n'existe pas seulement pour ceux qui désirent sucer les ailes du plaisir. J'inventerai des dimanches que leurs dieux pourront pas faire plus beau que ça. J'y mettrai des couleurs que tous les arcs-en-ciel en pâliront d'envie. Et mon sexe dressé fera pleurer ces cierges allumés pour d'autres saints, qui condamneraient ce pieux s'il le voyait bander. Bander pour toi mon ange qui n'aime pas les dimanches. J'inventerai des dimanches peignés de lueurs étranges, bien au-delà des idées qu'on se fait de ces journées. Quand ce temps que tu sentais s'écouler si lentement ne sera qu'une seconde que tu voudras éternité. J'inventerai des dimanches que leurs dieux pourront pas faire plus beau que ça. Après c'est un choix. C'est un choix de vie. J'ai envie. J'ai habité à Paris quand j'étais beaucoup plus jeune. Mais maintenant j'ai plus envie d'être. Pris dans ce cyclone d'intervalle. Oui. C'est compliqué. Je comprends quand on a 20 ou 30 ans de vouloir habiter à Paris pour justement essayer de faire son trou, de s'imposer, de jouer un maximum dans tous les endroits possibles et imaginables. Et au bout d'un moment, voilà, qu'on ne sait pas non plus. Je crois qu'on peut, avec tous les médias qui existent, arriver à. Surtout Internet, c'est ça que tu veux dire. Oui, arriver à se faire connaître sans pour autant montrer sa tête dans toutes les soirées mondaines, voilà, de Paris et autres. Et en cela, oui, voilà, c'est ça. Et puis, c'est pas non plus forcément le milieu musical, un milieu qui me plaît énormément. C'est malheureux, mais il y a beaucoup de nombril sur pattes et c'est compliqué pour moi de gérer ça. Parce qu'en fin de compte, il y a... Il n'y a que les musiciens avec qui je joue qui ne sont pas des nombrils sur pattes. Et il y en a très certainement beaucoup d'autres. Pour moi, c'est hyper compliqué. On n'a pas vraiment encore défriché le fait de tes musiciens que tu as trouvés actuellement. Comment tu les as trouvés? En 99, tu as mis un pied sur le groupe. Voilà, j'ai mis un coup de pied. Après, j'ai continué à jouer avec quelqu'un avec qui avait décidé de rester avec moi. Merci. Et puis en 2009... Non, du groupe, il reste juste une personne. Il restait jusqu'en 2009. OK. Et après, ben non, j'ai dit non. Et voilà, et puis après, j'avais fait plusieurs plateaux avec Loïc Lantoine et François Pierron. Oui, Loïc Lantoine qui fait cavalier seul. Voilà, et j'aimais bien le côté un peu folding de François Pierron. Et donc, on est allé le voir une fois, et ça s'est très très vite décidé. Voilà. Alors après, on a fait la promotion de l'album qui était déjà enregistré. Qui s'appelait Cinéma. Donc il y a eu ça, il a très très bien fonctionné cet album-là. Et après il a s'agit de savoir ce qu'on voulait faire, ce que j'avais envie de faire. Donc moi je lui ai parlé de mon envie de faire un trio très acoustique, violoncelle, contrebasse et guitare chant. Donc il m'a dit moi je pense à Pierre Le Bourgeois, j'ai envie de jouer avec lui. Ça fait longtemps que je le connais, mais j'ai jamais eu l'occasion. Je lui ai téléphoné à Pierre Le Bourgeois, puis il a dit envoie-moi des titres, et puis il a dit ok. Donc on s'est rencontrés en résidence à Montbrison, on ne s'était jamais vu, et à la fin de la semaine, l'album était fini quasi. Hey. Et ouais. Ça se fait vite chez toi, les non, albums? Non, d'habitude non. Ah oui, mais en tout cas celui-là oui. Celui-là oui, parce que j'étais accompagné de personnes... Chevronnées, qui connaissaient la musique. Qui connaissaient la musique, puis qui avaient une réelle passion. Ah oui. Rien envie de... Qui bossait et qui aimait bosser. Ah oui. Vraiment un appétit. Mais comme c'est toi qui dirige le tout, parce que c'est tes textes, tu veux pas proposer n'importe quoi, es-tu un garçon difficile avec les musiciens? Ben, je suis difficile si c'est pas bon. Oui, mais pas bon. Si tu as pris tes musiciens, tu sais ce qu'ils peuvent faire, donc... Ben, les musiciens avec qui là j'ai enregistré cet album-là... On parle de cinéma, là? Non, on parle de comment... Du dernier opus? Du dernier, le bal okay. de fou. OK. Et celui-ci... J'étais très opportuniste parce qu'en fin de compte, je jouais avec des gens qui n'ont plus rien à prouver, mais qui ont toujours le feu en eux. Et en cela, j'ai tout simplement fermé ma gueule et j'ai écouté leurs propositions parce que j'avais tout à gagner. Tu voulais te ressourcer aussi là, avec les inspirations parce que Marcel Canche, c'est quand même quelqu'un d'assez réputé et reconnu. Oui. Qui a travaillé avec toi à un moment donné. Oui. Quand des musiciens acceptent de travailler avec toi, des gens aussi flamboyants, est-ce que tu te sens est-ce que c'est du velours? Est-ce que c'est comme si on disait ah, ben mon vieux, je sais ce que tu fais, donc je suis un peu flatté parce que je me dis bon, ils reconnaissent mon travail, effectivement. Et puis je peux y aller les yeux fermés. Je sais très bien que je vais recevoir énormément de choses. Ils sont généreux. Musicalement parlant, ce sont des gens très généreux. Très très généreux. Donc voilà quoi. Après... Et le dernier opus, lorsque tu t'es laissé peut-être non pas inspiré, mais non pas dirigé non plus, mais suggérer des choses. Après coup, tu t'es dit, ben j'ai bien fait de les écouter parce qu'il y avait quelque chose à me donner. Complètement. Et en plus, dans l'énergie du moment et du court moment qu'on a eu à travailler sur cet album-là, je crois qu'il y a des belles choses qui sont sorties de ça. Mm-hmm. Sur le plan de l'inventivité, de l'orchestration, de leur part, je me suis régalé. Alors cet album-là, c'est vraiment un album qui est beaucoup plus fignolé, d'après toi? Non, c'est okay. Un album de groupe. OK. Alors tu renouais presque avec le premier groupe que tu avais dans les années 90? Oui, pas... Non, mais l'esprit groupe, sans l'ego. Ah bah oui, il n'y a plus d'écho là. Ces gens-là, il n'y a pas d'écho. Non. Pas d'écho. Puis, mais franchement, je voulais tenter cette expérience-là. Parce que ça faisait longtemps, ça faisait quand même pas loin de 14 ans que je travaillais seul dans les arrangements, dans les prods, dans les post-prods et tout ça, dans le studio. Donc c'était un petit peu un travail très solitaire. Et la musique, c'est quand même le partage. Donc j'avais envie de faire ça. Sur cet album-là, j'avais vraiment très envie de faire ça. Et puis, c'était une bonne inspiration, parce qu'en fin de compte, le résultat est plus que respectable. Voilà. Oui, oui. Puis, est-ce que c'est un album comme cinéma qui a bien fonctionné? Oui, il a plutôt pas mal fonctionné. Oui, je dois dire que c'est pas mal. ça a dérouté beaucoup de gens, parce qu'en fin de compte, ils attendaient une orchestration plus rock'n'roll, hein, okay. C'est sûr, mais ouais. C'est pas grave. Moi, j'ai... Je tu fonctionnes pas... comme tu veux, c'est tes Ben idées, ouais, t'es... quand même. C'est pour ça que tu as voulu aussi faire cavalier ça, c'est d'avoir ton propre son et ne pas te plier à ce qu'une maison de disques va te proposer parce que c'est toi, c'est ton écriture. Ben je suis sous label là, pour l'album là, mais ouais. Il a été très... Mais c'est des gens qui étaient très ouverts, qui voilà. Ne mettaient aucun frein. Qui est respectueux, je dirais, très respectueux. Respectueux. C'est rare pour une maison de disques. Aujourd'hui, on essaye de pousser l'artiste à son paroxysme et puis de tirer le plus de jus possible et après ça de l'acheter si ça fonctionne. Oui, bien sûr. Mais je suis plutôt jeune, quoi. Ce que je veux dire, c'est que j'ai un certain âge et on va pas essayer de me forcer de rentrer dans une chaussette qui ne va pas. Mais là, tu sais ce que tu veux. Ouais. Les années aidant, on sait ce qu'on veut puis on sait ce qu'on veut pas. Je sais pas où je vais, mais je sais ce que je veux. Ok. Donc c'est déjà beaucoup. Ouais. Pour pas t'éparpiller. Non. J'ai des tas de projets différents. Je fais des musiques pour des documentaires, ouais. pour des courts-métrages, pour des moyens-métrages, pour des pubs. Je fais aussi de l'écriture pour d'autres personnes. Je fais des ateliers d'écriture, de création aussi. Je fais de l'accompagnement vocal aussi, je fais des tas de choses qui m'amènent à côtoyer des tas d'humains différents. Est-ce que ta façon d'écrire, c'est sans doute modifié, mais est-ce qu'elle reste encore la même qu'au début? Non. Non, elle a évolué dans la recherche de la simplicité. OK. Je me suis aperçu que ça ne servait à rien d'en mettre des caisses, d'en raconter trop, d'être trop dans les détails. Il valait mieux essayer de trouver les formules percutantes, ces choses qui participent de l'imagerie et qui renvoient tout de suite à quelque chose de très personnel pour l'auditeur. Mais la plume est aussi sanglante que le premier. Elle peut l'être, oui, ouais. Bien sûr. Mais tu ne veux pas juste faire ça non plus, là, parce que ça peut faire des albums trop lourds. Ouais, ils sont déjà pas mal lourds. Oui, c'est ça. Non, mais t'essaies d'amener un peu d'harmonie, l'engager à tout ça. Mais je crois que, en fin de compte, mes albums, ça reflète la vie. C'est-à-dire la vie, tous ses aspects. Les hauts, les bas, les moments de joie, les moments de tristesse, de mélancolie, de nostalgie. Il y a plein de choses comme ça dans la vie. On traverse plein de phases différentes et j'essaie le mieux possible de retranscrire ces émotions-là. Voilà. Est-ce que ton travail d'artisan, parce que je préfère le terme chansonnier, quand on est chansonnier, on défend des causes. Est-ce que ton travail d'artisan avec l'univers qui se modifie, hein, avec tous les chaos que l'on connaît depuis quelque temps, est-ce que pour toi, tu veux amener autre chose comme propos pour alléger ce que les gens vivent? J'ai toujours remarqué, de toute façon l'histoire elle se répète. Hein. Je crois qu'à chaque fois qu'il y a eu des temps de crise, il y a eu une musique très légère qui est arrivée comme ça. Et franchement, je t'assure, moi ça me casse les... Ah oui, ok. Oui, parce que, en fin de compte, ça sert à rien de mettre des œillères. Pour tout bagage, on a 20 ans. On a l'expérience des parents. On se fout du tiers comme du quart. On prend le bonheur toujours en retard. Quand on aime, c'est pour toute la vie. Cette vie qui dure l'espace d'un cri, d'une permanente ou d'un bleu de jean. Et pour le reste, on imagine. Tout bagage, on a sa gueule. Quand elle est batte, ça va tout seul. Quand elle est moche, on s'habitue. On se dit qu'on est pas mal foutu. On bat son destin comme des brèmes. On touche à tout, on dit je t'aime. Qu'on soit de la balance ou du lion, on s'en balance, on est des lions. Bagage, on a 20 ans, on a des réserves de printemps, qu'on jetterait comme des miettes de pain à des oiseaux sur le chemin. Quand on aime, c'est jusqu'à la mort, on meurt souvent, et puis l'on sort, on va griller une cigarette, l'amour ça se prend et puis ça jette. Pour tout bagage, on a sa gueule, qui cause des fois quand on est seul, c'est ce qu'on appelle la voix du dans, ça fait parfois un de ces boucles. Pas moyen de tourner le bouton de cette radio, on est marron. On passe à l'examen de minuit et quand on pleure, on dit qu'on rit. On a une rose au bout des dents qui vit l'espace d'un soupir et qui vous pique avant de mourir. Quand on aime, c'est pour tout ou rien, c'est jamais tout, c'est jamais rien. C'est rien qui fait sonner la vie comme un réveil au coin du lit. Pour tout bagage, on a sa gueule devant la glace quand on est seul. Qu'on ait été chouette tout tordu, avec les ans tout est foutu. Alors on maquille le problème, on s'y qu'a pas l'âge pour qu'il s'aime. Et en cherchant son cœur d'enfant, on s'y qu'on a toujours 20 ans. On a toujours 20 ans. On a toujours 20 ans. We'll be right back. j'ai pas envie de marcher sous la pluie. Même si toi tu préfères rôtir au soleil. J'ai des ennuis, j'ai des amis aussi. J'ai des ennemis qu'ils aillent se brûler les ailes. Loin, très loin, à qu'ils aillent loin. Je t'ai promis de nourrir l'escarcelle de notre histoire, histoire qu'elle ait l'air d'être la plus belle. Et aujourd'hui, tout me paraît si frêle. Si j'ai cassé nos serments, serre-moi, je serai plus cruel. J'avais envie de vivre l'étincelle, celle qui vous prend sans cri et gare. Oh, attention, tu l'aimes. Oh, mon amour, j'aime être foudroyé, mais tout ce mal on t'en fourvoyé. J'ai brûlé mes ailes tout en haut, oh, si haut. Mais si ce tu serais, je t'inventerais le ciel sans ombrelle. Soyons fourbus de langoureux étés. Je te verrai métis repu de ma foudre en ton sein. Rends-moi la vie, nous serons éternels. Prends-la, ma vie, je deviens éternel. Le monde est tel qu'il est. Décrire le monde tel qu'il est, ça va pas forcément. Je vois pas pourquoi on se plombe et qu'il faut absolument fuir le côté mélasse de ce monde-là. Et je trouve ça stupide. Et si j'ai envie de faire une musique gay, c'est pas pour masquer une réalité qui est noire. Non, pas du tout. C'est parce que à un moment donné, je suis gay. Et voilà, et j'ai envie d'exprimer ma joie. Mais non, moi ça m'a toujours un peu déglingué ça. Surtout que l'histoire se répète sur le plan artistique, mais malheureusement aussi sur le plan sociétal et politique. Donc je crois que tomber dans des panneaux comme ça, je trouve ça stupide. Et je trouve que c'est faire preuve de peu de culture de l'histoire pour retomber dans des panneaux comme ça. Mais enfin, je crois que c'est dans la nature humaine et on ne peut rien y faire. Voilà. On parlait de que tu as quand même abordé beaucoup de choses dans tes chansons, des thèmes récurrents. Quel abus tu veux emprunter encore aujourd'hui que tu n'as pas encore touché ou... Je crois que la relation entre les êtres c'est un thème qui est inépuisable parce qu'en fin de compte, elle est tellement spécifique d'une personne à l'autre, enfin d'une relation à une autre, qu'on peut en parler tout le temps. Le thème de l'amour, il est compliqué aussi à développer parce que c'est quelque chose qui est... qui a été fait, refait des milliers de fois. Mais c'est quelque chose qu'à partir du moment où on arrive à raconter une histoire d'amour, à raconter des sentiments de manière assez originale, on est très fier de soi. Ouais. Après, la société dans laquelle on habite, dans laquelle on vit, mon Dieu, il y a moyen de l'écrire de mille manières différentes. Après, je ne pense pas que j'irai un jour vers la nostalgie. J'aime bien me dire qu'aujourd'hui, c'est aujourd'hui. Et, ce qui s'est passé hier, bon, c'était bien, mais ça sera peut-être mieux demain. Quoi. Est-ce que les mots amènent les idées ou l'inverse? Des fois, c'est simplement une musique qui amène des idées. Une musique qui va imprimer une image en moi qui va tout de suite déboucher sur un mot. Ça va être aussi le rythme. C'est peut-être aussi des mots qui vont inspirer une musique. Et j'ai pas de travail, j'ai pas de méthode. Ok, ah. J'ai aucune méthode. Je me laisse aller comme je veux, comme j'ai envie. Est-ce que ta musique a changé depuis 99? Oui, je pense oui. Oui, elle a évolué, bien sûr. Ben, je crois que c'est normal aussi. Hein. Oh, ouais, ouais. J'arriverai pas. Autant j'ai joué du jazz rock quand j'étais tout petit, après j'ai joué du punk, après j'ai joué du rock. Donc voilà quoi, ce que je veux dire, ça participe de comment d'une envie. Une envie. Après, j'ai jamais eu envie de coller à l'air du temps. Alors est-ce que je suis en retard ou en avance, j'en sais rien, je m'en fous. Je m'en fous. Mais il y a des gens comme ça que je respecte aussi. Notamment Marcel Canche. Lui il n'a jamais plus envie que ça de coller à quoi que ce soit. Et pourtant, je sais qu'il y a certains de ses albums qui m'ont transporté. Ouais. Donc voilà quoi, c'est comme ça. C'est comme ça. Bon, j'ai pas l'impression que pour vivre de sa musique, il faille absolument être dans un registre racoleur, démagogue et très dans l'air du temps, je pense pas. Est-ce que c'est difficile de ne jamais toucher à ça, à la démagogie? Dans le propos, on y arrive des fois, bien évidemment. Mais si y a une sincérité, une réelle conviction, il n'y a pas de raison. Il n'y a pas de raison. J'ai-tu beaucoup de textes? Si tu es très, très, très, très paternel, tu veux les garder, les modifier, il y avait quelque chose de bon, il y a quand même une idée, il y a une structure que tu veux garder là-dedans. Ou si tu peux examiner un texte, non, c'est de la merde et tu jettes. Je dirais jamais que c'est de la merde parce que je l'ai fait, donc à mon avis, je devais être convaincu par quelque chose le jour où je l'ai fait. Après, si je ne m'y retrouve pas 2 mois après, oui, je vais le mettre de côté. Je lui dis peut-être qu'il me parlera. Est-ce que ça arrive qu'il y a beaucoup d'écrits que tu fais, tu trouves aucune mélodie, il n'y a pas de mélodie qui colle, et ça pourrait devenir même poésie éventuellement. C'est un peu pour ça que j'ai édité un recueil de textes, ouais. que ma chérie m'a permis de trouver un éditeur qui nous a permis de commander d'éditer un recueil de textes. Ça, c'est des chansons qui n'ont pas trouvé de mélodie. Quelques-unes, et puis d'autres qui avaient trouvé des mélodies, mais je crois que les mots couchés, ils ont une autre portée. C'est complètement différent. Je veux dire, parce qu'en fin de compte, il n'y a pas une obligation de mélodie, il n'y a pas une obligation de quoi que ce soit. Donc le voyage, il est complètement différent. Dans un texte qu'on lit comme ça, plutôt qu'un texte qu'on écoute, chanter, on est ailleurs. Il y a une dimension, et une dimension dans l'ordre de l'imagination qui s'ouvre au lecteur. Alors que chanson, c'est pré-mâché. L'émotion dans l'interprétation, l'émotion dans la musique, dans les arrangements musicaux, il y a tout ça qui induit obligatoirement à un état d'esprit, un état affectif. Est-ce que la façon de faire est semblable ou si tu sais déjà au départ, quand tu commences à écrire, ok, ça va terminer dans un livre, celui-là, ça va aller peut-être sur un album À quel non. moment tu peux défricher tout ça, dire quand le point est terminé? Ah ben ça, je crois que ça va devenir la chanson, ça va devenir un texte poétique. Eh ben c'est compliqué. Ouais, c'est que tes chansons sont poésie, il faut pas l'oublier non plus. C'est une forme de poésie. Oui, c'est pas non plus. Voilà, je revendique pas le statut de poète. Hein. Encore là, qu'est-ce qu'un poète? Faudrait peut-être réfléchir. C'est ça. Mais, c'est ça. Écrire, c'est déjà une forme de poésie. On peut tout écrire, mais écrire un SMS, c'est une forme de poésie aussi. Oui, mais il faut abandonner les abréviations avec des phrases complètes. C'est compliqué. Sinon, ça devient un peu rap. Oui, oui. Mais bon, il y a un moment donné où je vais me dire, mais j'arrive pas à trouver de support mélodique à un texte. Et là, je dis, bon, ben voilà, j'ai pas l'inspiration, je mets de côté. Mais c'est pas dit que. Il y a quelques textes auxquels je tiens qui un jour trouveront leur enveloppe musicale. Comme on disait tout à l'heure, il y a des mots qui ne trouveront jamais de mélodie. Mais oui. Ces mots-là, as-tu le goût de les dire sur scène à travers des chansons? Mais je veux dire, une chanson, un texte, entremêlé tout ça. Là, il faudrait que je travaille ça. Mais tu y as pensé? Non, parce que je suis trop timide, je crois que j'aurais énormément... Ah, t'es timide. Ouais, j'ai besoin quand même d'un environnement pour exprimer des choses. C'est pas facile, ça a toujours été compliqué pour moi de monter sur scène. Ok, mais c'est t'es un tracas. Quelque part, oui, quelque part. Et c'est pour ça que j'ai besoin de maîtriser énormément les choses, parce qu'en fin de compte, il faut absolument que je sois rassuré par ça, par cet aspect technique que je maîtrise à peu près, je dirais. Et donc après, s'il fallait que je récite des textes, je crois que j'aurais besoin de travail, d'énormément de travail. Okay. Et pourquoi pas. Mais c'est pas encore quelque chose qui m'a... Et je sais pas si mes textes sont suffisamment intéressants pour être parlés comme ça. Voilà. Je les ai jamais entendus lus par quelqu'un d'autre. Donc j'aurais pas la prétention de dire qu'ils ont cette puissance pour être portés simplement par une voix. Je sais pas. Pour le moment, la voix intérieure va très bien. Ouais, elle va bien. Mais surtout qu'un texte, tu peux ouvrir ton livre n'importe quand, à des moments différents, un peu comme une chanson. Oui, une chanson, ouais. Tu places une chanson. Souvent, lorsque tu places des titres sur un album, es-tu surpris de la réception du public? Tu croyais qu'une chanson allait fonctionner davantage, puis là, c'est une autre? Ah, on est toujours bête, hein. On est toujours bête par rapport à ça. Parce qu'en fait, on est pétri de conviction, et puis c'est jamais... Oui, c'est jamais ça qui arrive, hein? Ben... Je crois pas. Je crois que... Je crois, mis à part Hôtel Pourri, où j'étais convaincu qu'Hôtel Pourri était une chanson bien dure, mais je crois forte, très forte. Les autres titres dans les autres chansons, pour preuve, dans à choisir, l'album à choisir, nous on avait décidé de mettre en avant l'amour et les ours. Et c'est Loli qui a été choisie en playlist. Ouais. Parce que, paraît-il, dans l'amour, j'étais trop engagé politiquement. Ok. Sauf que Loli, c'était une chanson à caractère plus ou moins pédophile, donc ils se sont complètement trompés, donc ils n'ont pas vu cette autre dimension. C'est là que ça me fait rire, parce qu'en fait, quand je me dis que les censeurs, des fois, ont rien compris. Ben voilà. Et peut-être tant mieux, parce que ça fait jouer la pièce musicale. Et c'est ce qu'on veut, hein. Quelque part. Faites jouer, puis même. Quelque part, oui, mais pour son. Négo. Pas pour son égo. Non, ok, pour sa satisfaction personnelle. Et surtout pour sa joie personnelle. Je crois que. Sa joie personnelle. C'est compliqué d'entendre un titre qu'on ne voyait pas forcément... Tu revendiquais, oui, mais pas tant que ça. Voilà. C'était une chanson parmi tant d'autres, et tu voyais dans l'ours peut-être quelque chose de plus intéressant pour le public. Oui, l'ours et l'amour étaient deux titres qui... Je retrouvais une portée beaucoup plus universelle. Et mais non. C'est étrange, oui. C'est pas grave. Quand vient le soir, le petit Nicolas met son costume de vigile là, et dans la nuit froide, n'écoutant que son courage, notre pourfendeur du droit te donne juste le droit de fermer ta gueule. On y va, costume de vigile, halte là. trotte comme tous les soirs, n'écoutant que son courage, notre pourfendeur du droit te donne juste le droit de fermer ta gueule. Dans ta vie sans partira le printemps. Viens donc te perdre. Viens donc te perdre dans le vieux café où tu traînais voir tes rougeaux parler de rien, rien que leur merde, rien que de leur merde. Tu verras, t'arriveras même plus à être raciste, à être funky comme toutes ces merdes. Comme toutes ces merdes, tu te sentiras comme un enfant. Tu te surprendras même à siffler, même à penser à des trucs gays, tout en regardant ces étrangers et leurs emmerdes. Oui, leurs emmerdes. Dis-toi bien, quel âme tu détiens? Un bout d'amour d'éternité, papa. Non, non, va pas les perdre, non. Dis-toi bien que là tu détiens un bout d'amour d'éternité. Va pas les perdre, non. Va pas les perdre, non. Si je vous ai bien compris, si je vous ai bien compris, vous êtes en train de dire à la prochaine fois, à la prochaine fois, à la prochaine fois, à la prochaine fois, à la prochaine fois.